Il était tellement aigri là, quand il était dans mon bureau que j'ai même pas posé de questions. Puis j'ai juste essayé de le calmer. J'ai dit, avant de faire des niaiseries, là, dors, donc, tu sais, là. C'était public qui était parti, puis il m'avait dit que c'était une histoire de compte de dépenses, mais il m'en a pas dit plus. Puis moi, j'ai pas posé aucune question. Parce que le moins rentré, le mieux je me sens. Souvent en voyage dans le sud, mais il n'est ni obèse, ni sale du dos et ni membre de la FTQ. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Vaux! Hey boy! Yeah! Bonsoir tout le monde! Hey, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre des belles affaires qu'on a entendues cette semaine à la commission, hein? Ouais. Quand même, c'est extraordinaire. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Mais là, vous parlez de quelle commission? Ah. Celle des Pinot Coron ou celle de Mme Charbonneau? Ben, non, mais c'est la plus ostentatoire des deux. Là, laquelle, là? La deuxième. Ah. Voyons donc. Hey, non, mais je n'en reviens pas qu'on découvre encore des choses dans cette commission-là. Ah ouais. Hey, premièrement, on l'a appris cette semaine. Saviez-vous que la FTQ passait des deals avec le PQ? Moi, là, moins j'en entends, mieux je me sens. Ouais. Je suis vraiment surpris. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Mais c'était pas juste des petits deals. Non. C'était pas. Écoute, imaginez-vous que c'est à cause d'eux autres, hein, qu'il n'y a pas de commission d'enquête sur la construction. On a appris ça cette semaine. Et ils ont forcé le PQ à pas faire de commission d'enquête. T'as dit qu'ils sont pesants. Hein? Oui, ben, en tout cas, ça a bien marché. Jean Lavallée, pesant. Ouais. La FTQ, peut-être un peu moins. Hein? Mais bon, c'est pas grave. N'empêche que j'ai beaucoup aimé aussi, je sais pas si vous avez vu le vernissage des photos de vacances de Jean Lavallée. C'était à la commission aussi. Hein? Ouais. Très édifiant, quand même. Ouais. Hey, 27 voyages en 9 ans, ouais. Toutes payées par Tony Accurso. Ouais. Hein? Moi, si je le documenterais, mon voyage, ouais, mon moi, je ne suis pas sûr que je me laverais dans l'océan, par exemple. Ouais, vous avez vu ces photos-là. Hein? C'est spécial, ça. Mais en même temps, je pense que c'est parce que c'est moins chloré qu'une piscine. Ah, ouais. Et je sais de source sûre que Jean Lavallée a la peau sensible. Ah ouais, hein? C'est ça. Hein? Faut dire qu'il y en a, il y en a beaucoup. Aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Mais faire du ménage, c'est compliqué. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que ça soit propre? Les raccoins, c'est les raccoins le problème. Hein? Moi, c'est... Non, mais c'est les raccoins. Ouais. Moi, quand je veux que ma femme de ménage fasse mes raccoins, ça me coûte un 20$ de plus. Ah, mais... c'est clair. Puis c'est pas si grand que ça chez vous, hein? Ben non, j'ai rien que. J'ai même pas deux étages, moi. Je suis rien que sur un étage, mais c'est grand quand même. Mais il pouvait bien être trois pour le laver, le ben bonhomme, non, quand même. Mais là, ces photos-là, c'est-tu avant ou après les régimes minceurs que Tony payait en Weight Watchy, là? Je me risque, c'est entre les deux. C'est entre les deux. Sinon, il y a aussi le PLQ qui nous a enfin donné sa position officielle sur la charte, ben hein? Hey, puis en résumé, en fait, c'est assez facile. Oui. C'est oui au crucifix et oui à tout, en fait. Ouais, en gros, tout. Là, ouais. Ouais, ben, tout. Je dis tout, non, quand même. Pouch Adore, pas de niqab, pas de burqa, pas de Fatima. Okay. Ça, en gros, si on veut le retenir, c'est, comme, c'est un truc que je me ben donne, ouais, moi, ça. Mais je pense qu'il y a moyen de jouer là-dessus si tu prouves que tu t'intègres bien. Ah, vous ouais. Avez vu ça? C'est intéressant. Ça. Tu prouves ça comment exactement? De bien s'intégrer? Ouais. Ah, écoute, c'est des critères. Hein. Okay. Il y en a un, je pense, il faut que tu ailles voir des films québécois au cinéma. Hey genre, boy. Ouais. Faut que t'aimes ça. Eh ben ok, non, oubliez-moi. Ouais. Oubliez-moi, je me retourne dans mon pays. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est pas facile d'être Québécois, frère. Ah, c'est tough. Non. Sinon, qui a fait des voyages aussi? Il y a Stephen Harper qui a fait des voyages oui. Cette semaine. Un très beau voyage en Israël avec toute sa gang de garderie. Oui. Et Il était beaucoup. C'est un gros CPE. Ben oui, hey, on aurait dit des enfants devant Walt Disney. Ben oui! Ouais. Hey, Walt Disney, étais-tu juif? Je pense que c'était le contraire. Ah, c'était le contraire. Ouais, en tout cas, mais là, c'est pas juste un voyage mystique, cette affaire-là, quand non. même. Je peux pas croire. Non. En fait, c'est économique. Vous l'avez vu, hein. C'est pour renforcer les accords de libre-échange avec Israël. Tu sais, il est pas allé là pour rien. Le libre-échange avec Israël. Ben oui. Ça va pour apporter quoi de plus au Canada? Ben voyons donc. Des bagels. On en a plein à Montréal déjà. Ouais, non, mais je. Ben, je sais pas. Plus de mousse, du fromage à la crème. Faut épeurer, ces bagels-là. C'est sec, le maudit, ça. Voyons donc. Je sais pas, Fred, là. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, c'est pas tout, hein. Il a aussi dit que toute critique envers Israël était considérée comme de l'antisémitisme. Ça, c'est intéressant, ça. Mais me semble que c'est large, quand même, comme définition. Oui, c'est sûr de que. Tu sais, mettons, là. Regarde, on. Ouais. Garage des exemples. Mettons, moi, je m'achète un viking, là, les poils au gaz, là. Ben, ouais. C'est-tu considéré comme de l'antisémitisme, ça? Ah, je pose la question. Je veux savoir où se constitue. Fred, moi j'en ai un électrique, il fonctionne très bien. Ouais, ben, je pense que c'est donnez-vous ça, pas de trouble. D'ailleurs, votre téléphone qui sonne, je pense. Ah ouais, c'est Maître Goldberg. Je vais laisser sonner ma boîte vocale est pleine de toute façon. Dis salut à Jacob, chic type. Je pense que c'est là qu'on va laisser un blanc au cas où on coupe. Oui. Ouais. Fais des tests comme ça. On passe l'émission, on attend côté du téléphone. Ouais. Ça après une heure, il sonne pas, on le laisse de même. OK. Quoi d'autre? Je sais pas si vous avez vu cette semaine, c'est passé inaperçu, en fait. Et c'est un nouveau programme d'études qui va être offert à l'École de pêche et d'aquaculture du Québec en Gaspésie. C'est pas une blague. Pourquoi on parle de ça? Là, on s'en sac un non. peu, non? Non, non, mais c'est pour remplir notre mandat régional. Nous, ah! On est coast to coast, hein? Les gens qui aiment ah, ouais. vont être contents. Et c'est important quand même parce que c'est une première en Amérique du Nord. Mon Dieu que c'est intéressant. Je vous le dis. Écoutez-moi bien, suivez-moi, OK? Alors, c'est un cours qui va être offert à l'Institut maritime du Québec à Rimouski. Et en fait, en gros, le cours, là, c'est pour l'observation des mammifères marins. Hein, et ça va permettre de mieux suivre la trace et l'évolution des baleines, des bélugas et de Jean Lavallée dans les océans. Ah! C'est un long chemin pour venir à une blague, hein? Mais je pense en fait qu'ils ont peur qu'ils s'échouent. Ah ouais. Hein? C'est vrai. Ça, là, quand ça reste trop longtemps, ces berges au soleil, là, ça sent la charogne, mon ami, là. C'est... Non, puis je sais pas. Est-ce que les Inuits font encore du savon avec ça? Je pense que oui. Ouais. Ah, tu vois, tout est dans tout. C'est comme le cercle. C'est le grand cycle de la vie. Tu es né savon, tu vas te faire venir savon. Mais heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas échoués nulle part. Ils sont ici avec nous. On reçoit tout d'abord l'humoriste et producteur Louis Morissette. Yeah! Hey, on est très contents. Ça, c'est le gars des mecs comiques, ça. Oui, c'est un des trois. On ne sait pas encore lequel, c'est une surprise. Ça va arriver tantôt. Sinon, on reçoit également la critique en matière d'éthique libérale, Lee Stériault. De l'éthique libérale, ça existe, ça? Ah non, attendez, je veux dire la critique libérale en matière d'éthique, Lee Stériault. OK. Avec ce qu'on entend comme son Charbonneau, elle doit être sur le bord du burn-out. Eh hein? Non, mais on aura le temps d'y demander, Fred, parce que la soirée est encore jeune. Hey, le petit Niquette, parle-nous des internets. Le petit Niquette. Ouais, je sais pas. Ben, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir une vidéo de Stephen Harper qui chante Hey Jude en Israël et c'est un miracle que ça n'ait pas causé d'incidents diplomatiques. On passe au courrier des auditeurs. Mais d'abord, il y a Nicolas Arguindé qui demande « Est-ce que Fred Savard compte informer ses abonnés Facebook chaque fois qu'il sort jogger? » Je l'ai fait une fois, là. Probablement qu'il va le faire parce que Fred se quête une job à la presse. Et si vous voulez du vrai bon contenu sur Facebook, vous pouvez me suivre moi. Je vous jure que je vous gosserai pas chaque fois que je compte un but au hockey, même si ça arrive très souvent. Sinon, il y a plusieurs personnes, genre trois, qui aimeraient que Jean-Sébastien fasse une entrevue avec Jean Tremblay, le maire de Saguenay. Malheureusement, ce sera pas possible parce que Jean Tremblay était à l'émission de Denis Lévesque cette semaine et comme Jean-Sébastien puis Denis Lévesque, c'est pas mal la même affaire, là, ça serait un petit peu redondant, fait que vous écouterez Denis. OK. Et enfin, Silvio aimerait savoir, c'est quelle date déjà votre spécial La Denise est encore jeune avec Denise Bombardier? Ben, c'est le 14 février, mon Silvio. Hey, ça va être bon. Hein? Ça va être bon. C'est tout un cadeau pour les amoureux. Oui, ben c'est clair. Et d'ailleurs, je veux pas... Non, mais Denise a déjà choisi une invitée. Oui. Alors, je l'ai... Une invitée, en tout cas, on vous en parle peut-être la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est gros. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ah, ben ça va assez bien vous-même. Ah, c'est bien. Même si, évidemment, Jean-Philippe, on se le cachera pas, comme beaucoup de monde, je suis un petit peu inquiet de ce qui se passe actuellement au Québec. Hein. Vous savez, avec tout le débat public qui est autour de ce qu'on appelle la charte, Jean-Philippe. Ah oui, ce qu'on appelle la charte, c'est très inquiétant ça. Hein? Exactement. Il y a cette commission depuis quelques jours où plusieurs personnes peuvent témoigner. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai été assez étonné par le témoignage des Pinot Caron, Jean-Philippe. Ah, mon Dieu, oui. Hein. Je veux dire, assez étonnant d'apprendre que ces gens-là prient à quatre pattes. Hé! Hey, moi, j'ai été choqué. Hein? Je savais pas que ça se pouvait, ça. Vous ne sont pas bien, ce monde-là. Bon, ben non, ils sont spéciaux. Vous allez me dire, facile de leur lancer la première pierre. Alors, je vous propose aujourd'hui, peut-être, avant toute chose, de les comprendre. Alors, pour cette raison, j'ai invité avec moi aujourd'hui une femme voilée, une arabe qui porte une charia sur la tête. Bon! Qui va tout nous expliquer. On va en apprendre plus, enfin, là, avec des gens qui connaissent ça. Et cette invitée, c'est Madame Davia Awada. Vous savez, cette jeune femme qui a affronté Jemina Benabid à l'émission Tout le monde en parle. Oui! Quelques semaines, voilà. Donc, elle arrive ici à Radio-Canada dans quelques minutes. Mm-hmm. Je vais l'inviter à venir me rejoindre au bureau au 13e étage de la grande tour de Radio-Canada. Évidemment, je vais inviter de passer par le stationnement et non pas directement au 13e étage en avion. Oui, c'est... C'est sûr que c'est plus poli, Jean-Sébastien. Je veux dire, un petit peu de savoir-vivre, là, ça n'a jamais tué personne. Ben non, c'est pas juste ça. Puis un avion aussi, ça fait un bruit, toi. Un bruit, t'es en train de travailler, bading, badang, voyons donc. Vous savez, moi, j'avais une amie, hein, qui travaillait proche des tours, le 11 septembre. Elle a essayé de se concentrer toute la journée, elle n'a pas été capable, elle. Ça a été l'enfer. Elle fait de la couffaine maintenant. L'enfer absolument pour elle. Hey. Mais depuis, elle fait du télétravail, hein, okay, et son entreprise fait le top 500 maintenant. Bon, puis vous? À toute bonne chose, malheur et bon. Ben oui, Philippe. Exactement. Alors, Jean-Philippe, j'attends mon invité, j'enlève mes souliers, je m'en vais égorger un agneau et je vous reviens dans le quelques jours. Parfait. Nous, on attend les avocats puis on vous revient. Au revoir. À tout de suite. Fred, notre premier invité. Il donne la réplique à Véro dans La Vie est sur scène. Il a déjà été un mec comique et maintenant il fait des bye-bye. Accueillons M. Louis Morissette. Hey, papa. Monsieur W. Hey, hi. Public en délire, bonsoir. Ah, c'est les gens au balcon. Ah, OK, d'accord. Mais, c'est la prochaine étape, hein. On pensait mettre un plancher juste ici. Mais ce serait beau. Puis t'en as pile deux. Mais c'est parce qu'on a une belle proximité, on peut se poigner les cuisses. Gars, Louis, je pas de toi. Je sais que c'est pas les enfants de la télé, là. OK, on a des petites affaires à radio. Non, mais c'est joli. C'est autre chose. Bon, c'est correct, c'est sympathique. OK, bon, parfait. C'est folklorique. on aime ça. Je savais qu'elle allait être de même. Il y a une attitude, Fred. Non, mais vous êtes touché pareil. Arrêtez pas. Non. C'est la nervosité, moi je sais, c'est la nervosité, puis on en fait plus. Non, j'ai confiance. Hey, avant, pas faire de quoi? Avant, non, mais je fais quelque chose à Télé-Québec de plus sérieux. avant de commencer, je voulais m'informer quelque chose, parce que je t'avoue que j'étais un peu stressé. C'est-tu encore possible de critiquer Louis Morissette? Parce que t'es comme rendu big, là, comme j'allais dire Julie, puis Pierre Calme, mais moins. Là. Mais non, mais je veux dire, si je fais une joke sur vous, là, ouais. Est-ce que je vais avoir encore une job? Non, mais j'aimerais ça le savoir. Moi aussi, j'aimerais ça le savoir. Est-ce que vous. Je sais pas si c'est. Tout le monde est bien stressé. Là. C'est une précaution là, ouais, pour les prochaines minutes. Ben, c'est niaiseux, mais moi, j'ai trois pages de plus. J'aimerais le nourrir dans les prochaines années. Déjà, j'aurais intérêt à dire on devrait pas faire des blagues sur nous, hein, parce qu'il va y avoir des répercussions si je me fie à tes papiers. Ouais, ça. Mais. Notre deuxième invité. Parce qu'écoute, j'aimerais ça qu'on parle du bye-bye. Vite. Pas-en. OK, parfait. Très, très bonne cote d'écoute. Mm-hmm. En fait, ça fait quasiment peur. Autant de monde qui écoute un show de même. C'est stalinien. C'est vrai. C'est vrai que c'est stalinien. Ben, en fait, c'est un petit... Et ça rend la chose loufoque et ridicule parce que tu peux pas avoir 5,3 millions de personnes qui regardent une émission de télé. C'est ça, je me disais. Ça se peut pas. OK. Il y a des gens qui l'ont regardé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a bien du monde qui regarde ça, ce qui rend la chose complexe à faire. Mais le chiffre est ridicule. Et le chiffre n'est pas un reflet de la qualité du produit, puisque c'est une chose qui est événementielle. Est-ce donc que... les gens viennent sans savoir si ça va être bon ben ou c'est pas. C'est ça. Dans le fond, à quoi ça sert de faire quelque chose de bon quand on sait que de toute façon, il y aura du monde? Je sais que travailler sur le bye-bye, ça fait que tu dors pas pendant 6 mois. Non. 3 mois? Non, ben les 2 derniers mois. Ah, ben c'est quand même beaucoup. Ouais. Je me demandais, quand là, je suis rendu au-dessus. Quand t'as dit oui, là, on n'a pas le droit de faire ça. À Radio-Canada, c'est maudit. C'est, hein? Ben, c'est quand même. Ouais, c'est ça. Je me sens mal déjà. Là. Parfait. On revient au vous. OK, parfait. Je peux prendre l'autre chaise. Je vais m'éloigner. Non, tu t'en rapproches. Ah, ouais, excuse-moi. Mais vous, Louis, oui. quand vous avez dit oui au bye-bye cette année, là, avec, je veux dire, en sachant tout le travail, là, est-ce que vous avez fini par regretter? Tu sais, à un moment donné, t'es rendu comme le 23 décembre, là, t'es écœuré en sacrifice. Ah, ben, moi, j'étais pas un souhait de faire le bye-bye cette année. Mais en tant que producteur, j'avais pris une décision il y a plusieurs mois de changer un peu la recette. Ouais. Ça, comme ça fonctionnait pas, venez, j'avais comme une responsabilité de producteur aussi. Fait que je suis revenu, mais pas de la même façon. Je suis revenu faire une job. Mais quand est-ce qu'on s'en rend compte, ça, que ça fonctionne pas? Tu t'en rends compte à fin octobre, puis je m'en vais dans le mur. Ah ouais? Pourquoi on s'en allait dans le mur? Qu'est-ce qui fait dire ça? Je veux dire, tu sais, il y a un moment donné, tu sais, on dit souvent que les humoristes sont individualistes. Ben, t'as une partie de la réponse. Ah oui, hein? Ouais. À ce point-là? Ben oui, c'est pas péjoratif. Non, ils sont habitués de travailler sur leurs choses, puis de leur ligne, puis leur delivery, puis c'est pas nécessairement un dialogue avec d'autres, puis tu leur demander de venir faire, mettons, le straight man dans le sketch d'un autre, ben... Ouais. C'est plus complexe. Ah ouais? Ça coûte cher. Aussi des disponibilités. Puis ça a l'air con, là, mais les gars et les filles sont très, très, très occupés. Ouais. Fait qu'à un moment donné, de les avoir la même journée en studio pour un sketch, c'était vraiment complexe. Une série de petites choses comme ça qui ont fait qu'on était libres, nous autres. On y avait pensé. C'est coeurant faire des mentries de même. On va recevoir une politicienne tantôt, là. Laissons ça aux professionnels. OK! Non, ben, c'est ça. Fait que, on l'a fait, puis même ça, je trouve qu'on l'a bien fait. On a fait, tu sais, puis ça a plus, dans le sens que c'était pas un show parfait, puis il y avait des affaires comme que j'aimais pas, là, dans le show, là. Mais tu t'as le mandat, c'est de faire une revue qui est une rétrospective. Ouais. Donc, il y a des éléments de l'actualité que tu peux juste pas passer à côté. Fait que même si c'est pas bon, faut que tu en parles, faut qu'il soit dedans. T'sais. Puis on a essayé de quoi, genre avec Rob Ford. La forme était beaucoup plus forte que le fond. Ça, finalement, somme toute, c'est avoir eu plus de temps. On a retravaillé de quoi, mais on a fini le montage le 29 décembre. Puis, fait que c'était ça. Puis je trouve que c'était pas notre meilleur sketch. Mais c'est resté. Mais justement, Rob Ford en soi, il est drôle de même. Mais c'est parce qu'il était dur à topper lui-même. Infoman était beaucoup mieux placé pour rire de Rob Ford. Mais le personnage de Rob Ford dans Infoman était mieux joué aussi. Mais je veux dire, les vraies images du gars, c'était meilleur que n'importe quelle personnification. Hey, on va parler de ce qui s'en vient, par exemple, parce que ça m'intéresse, les Morissette. Ouais, vas-y donc. Hey, ça va-tu être bon, show, là? Pas tant. Mais... Non, mais ça me fascine, moi, faire un spectacle avec sa blonde. Ouais. Ça veut dire que c'est 100% du temps que tu passes avec ta blonde. Ben, pas vraiment. Comment ça passe? Ben, on ne fera pas, tu on n'est pas Louis Joussou. Elle sont même pas là tous les soirs. Yeah. Ça a des doublures. Mais tu sais, on n'est pas Louis José Houd, là. On ne fera pas 180 spectacles par année. Non, OK. Première des choses. On a des enfants et tout et tout. Mais moi, ça m'inquiète. Pas vraiment. Je travaille souvent avec Véro. Ouais. On a chacun nos affaires pour mener des fois, on travaille ensemble. Ça va nous faire un moment, au moins on est sûr que peut-être deux fois semaine, on va avoir une heure et demie sans se faire déranger par des enfants. Sur la scène, bon, on va être sur scène. Yeah, c'est une façon sur de scène, ça arrange, là, on va dire. Puis papa, caca, trop tard, papa, est sur scène. Ils ont quel âge, de toute façon? Ils ont quel âge? 11, 9 et 4. Ah, ben là. Celle de 4, tu sais. Ben dans non, nos gens. Voyons, on va non. Se le dire. En 4 non, ans, non, non, ça... non, ça se dit. Qu'est-ce que t'as comme voiture, c'est niaiseux? Qu'est-ce que t'as? Parce que ça fit dans un coffre de char. Non, mais ouais, mais j'ai une petite voiture. Non, mais t'as raison, ça rentre. Ben, je te confirme que ça rentre. Ben, regarde, moi, ma petite c'est pas sens, des longues distances. Ben non, c'est pas, pas à moins 20, mais tu sais, à moins 15 quand même. OK. Non, mais on dit ça parce que on faisait la répertoriation. On répertoriait, oui, j'allais dire. Une répertoriation? J'allais aller sur Google 2 secondes, je suis pas sûr que c'est non, mais on répertoriait les couples qui ont fait des spectacles. On se rappelait de Patricia Paquin et son ex, là. Mais ils n'étaient plus ensemble. Quand ils faisaient ça? Oui. Mon Dieu, c'est une suprême animation. Les ex, ça s'appelait les ex. Oui, je sais bien. Pars avec ça, tu me reviens avec la réponse. Avec tu passes tes soirées avec. Non, mais c'est pas prémonitoire, toujours. Il y a aussi Chantal Paris et Carl William. Oh my God! Hein? C'était bon, ça. J'en ai noté une couple d'autres. Michel Louvain et Margot Lefebvre, tu te souviens-tu de ça? Non, mais... C'est un couple. Oui. C'était un couple. Tu m'annonces que c'était un couple. Ouais, là, je voudrais Margot, pas on appelle-tu Margot tout de suite, on y en parle. Je suis pas sûr qu'il y ait des deux qui va nier. Mais stop. Il y a aussi Jean-Philippe Vautier, Patrick Lagacé. Tu fais attention, il y a toujours un plus drôle que l'autre. Oui, oui. Okay. Comment tu vas faire pour écrire pour deux personnes complètement différentes? Ben, en fait, le plus gros défi de ça, moi, ça va bien, je suis avancé, j'ai commencé à faire des lectures avec les auteurs, je suis vraiment confiant. Le défi, ce qui m'angoisse, c'est... c'est nos deux styles. C'est, en fait, ce qu'on peut apporter, nous, ensemble, ouais. On révolutionnera pas l'humour. Là, j'essaie de la jouer assez low-key présentement. On n'annonce pas tant, on vend nos affaires, on fait pas trop de spectacles. Arriver là, avec la grosse conférence de presse, puis accueillir Véronique Estimé-Morissette, puis on va révolutionner le monde de l'humour. D'autres l'ont fait. Moi, je veux pas qu'on fasse ça. On va juste le faire à notre façon. Puis on va parler à des gens qui ont un peu notre vécu, en couple, avec des enfants, pognés dans la routine du quotidien, essayer de tout d'être meilleur partout. C'est une thérapie, finalement, que vous allez faire. Bien, il faut que les gens dans la salle vivent un peu la même chose que nous. Fait que là, le défi, c'est... Ben, c'est d'amalgamer un peu le mon style et celui de Véro. Et à date, tu sais, c'est sûr que je vois à qui on vend des billets, puis... Comment ça, tu vois? T'es, c'est ta l'unité, vraiment? T'es, Non. Ben, on a vendu 13. Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu! Non, mais... mettons, les gens vont sur Facebook, tu sais, Véro a comme 120 amis, 120 000 amis Facebook, là. Ouais. Fait que les gens, mettons, vont écrire, dire « j'ai mes billets ». C'est sûr qu'il y a de la Colette puis de la Paulette. Ouais, ouais. T'sais. Ben ouais. Alors... C'est méprisant. Les gens qui vous font vivre. Mais c'est un nom qui existe. Non, mais... Non, là, mais il n'y a pas de Paulette à 23 ans, on s'entend? Non, c'est ben, ça. C'est ça, c'est donc, ça, Colette, elle, Colette elle, elle a 60 ans. Colette, elle aime beaucoup Véronique. Elle la suit depuis des années. Là, si je vais parler de pornographie à Colette, comment... Ben, c'est... Mais c'est la réalité. Là. C'est... Moi, il y a la manière. Il y a la manière. J'ai envie de parler de choses. On n'ira quand même pas juste... tu sais, oui, il va y avoir beaucoup d'affaires de couple, je m'en cache pas, mais on... faudrait qu'il y ait des idées véhiculées. Même, on peut parler de relations de couple, ouais. Véhiculer des idées, puis en général, véhiculer de quoi? Comment on va être capable d'être frondeur et drôle sans me mettre le moi que je vais mettre le public à dos? Hey, c'est la job en salle. C'est l'équilibre. Ouais. On fait 50 shows de rodage avant d'arriver à notre première. C'est pas pour rien. 50 shows de rodage, mais c'est quand même pas loin de Louis-José Hood, puis c'est 160 quand même. Non, mais on fait beaucoup de shows de rodage parce que ça fait 15 ans que j'ai pas fait, 10 ans, 12 ans que je fais pas de scène. Puis c'est un métier, c'est un job qui est tough. Faut se préparer. C'est pas quelque chose que tu fais sur le coin de la table en disant tout va bien aller, me vendre mes tickets, mon sac, je passe à la caisse, je retourne chez nous. C'est pas ça. Ça va-tu être plus difficile de faire de la tournée avec Véro ou avec Alex Perron? Qui va coûter le plus cher de Sprinette? C'est ça, la grosse moi, je suis capable de te le calculer direct, là, tu comprends-tu? Hey, je sais que, quoi, là. Tu viens avec les deux autres, hein? Et oh, on va traîner à coiffeur. Non, mais elle va capoter. Moi, je sais pas combien de temps je vais aimer ça, faire ça. Je serais pas surpris que Véro fasse deux, trois shows après. Pico, ah oui, hein? Puis que ouais. Pire, elle change. Cette dose, elle va changer le Morissette. Mais cette dose d'amour là, qu'elle va avoir sur scène, là, ça peut être quelque chose qui va pas gagner. Ah ouais, ben, dernière question avant ben, parce que faut, là, j'ai bossé mon gars. Là, ben, c'est tellement bon. Ben, mes gars, le réalisateur, il me regarde depuis tantôt. Il me dit comme femme tailleuse. Fait comme. Ben, c'est ouais, ça. Ouais, il dit laisse Louis parler, femme tailleuse. C'est ça qu'il dit? Non. Non, normalement, ce jour-là, c'est drôle quand on parle. Ben, l'équipe, je parle. Mais. Non, mais j'ai une dernière question parce que c'était les jeunes loups, hein, le début des jeunes loups il y a deux semaines. Mais c'est. Écoute. C'est parce que au début, c'était supposé être toi. Hein? Et il paraît que t'es comme plus dans le projet. Veux-tu une bière à la place? Je pense qu'il y en a plus d'eau, là. Ouais, c'est ça. Et là, je me disais, t'as perdu comme la job un peu. Ouais. Tu dois être content en tabarnak. En toi pis moi, là. Ben, y a rien qui arrive pour rien. Écoute, je sais pas. Je veux pas être trop mine. Mais non, mais... moi, peut-être que les choses auraient été différentes. Moi, mais j'avais rencontré Jean, puis j'avais déjà parlé... Veux-tu que je te tende la main pour te sortir de l'eau, là? Mais je le fais pas, fait que je peux pas en parler, je peux pas... Mais non, mais c'est... Je voyais que la réponse classique, comme les gens qui se font parodier au bye-bye, ouais. Qui ont pas aimé ça. Ouais. Je l'ai pas vu. C'est ça. Je l'ai pas vu. Ben, tu comprends pas ça, c'est bien drôle. Ben, tu restes avec nous, hein, toujours? Ben, je sais pas, sais-tu? Pourquoi? Ben, tu sais, moi, je suis un humoriste, je pense à moi. Ouais. Maintenant que ça tourne plus autour de moi, je m'en vais. Non, mais non, mais t'es aussi producteur, puis t'as plein de jobs. Je reste avec grand plaisir. Voyons donc, putain, à Barouette. Ben, je vais être content d'être là. Même Guy Nantel est resté. OK! Ça veut dire quoi? Je sais pas, en fait. Tu me l'expliques. Je pensais à un humoriste qui était venu, puis nainquin. Ouais. Nainquin, hein? Ça, on dure à sortir. C'est vrai. Honnêtement, c'est parce que je m'en viens à Sématoun à 8h, à soir. C'est toi qui joues ou c'est toi qui le produis? Je le produis. Je sais. Ben oui, c'est ça. Tu sais que je vais être dans ça dans pas long? Ben oui. Honnêtement, je me pose encore la question. Ah, tu vas avoir du fun. T'es sûr? Parce que ça va te faire du bien les codes d'écoute, tout. Il y a plein de gens qui vont te découvrir. Ils vont te dire, c'est qui, lui, là? OK, on n'était pas encore allé voir ce qui se passait sur les ondes de Radio-Vision en 2014, mais c'est chose faite, on écoute à l'instant Jean-Étienne Heude. C'est Jean-Étienne Heude derrière le microphone. Il est toujours en ondes dans ce début d'année 2014. C'est presque un miracle vu l'état de déliquescence de notre console qui ne tient qu'à un fil tissé par les doigts de fée de Gladys. Que serais-je sans elle? Je ne sais pas. Certainement une caricature de moi-même, comme celle qu'on voit trop souvent dans les bye-bye, ces émissions radio-canadiennes, mais surtout caucasiennes, où la négritude fait figure d'étrangeté ethnique ou encore pire, de tête de turc, mais un turc noir. Évidemment, au-delà de cet humour de mauvais goût, même pas noir, il est encore plus déplorable qu'on n'ait pas inclus un comédien noir dans cette grande farce annuelle. D'autant plus qu'une émission diffusée sur une chaîne publique aurait dû le faire, ne serait-ce que pour remercier les contribuables noirs d'agresser avec leurs impôts cette minorité blanche d'humoristes qui ne fait plus rire grand monde. Quand je pense à mon ami Gontran Civil, qui trime dur, chaque jour pour envoyer à Revenu Québec son du rubis sur l'ongle et qui n'est même pas capable de se reconnaître lors d'une grande messe télévisuelle en fin d'année. J'ai envie de gerber. Mais il y a un responsable qu'on doit pointer de notre doigt accusateur. Et ce responsable, c'est Louis Morissette. C'est lui qui n'engage pas de bons comédiens de notre communauté, comme Fafan Lavertu, qu'on a vu l'an dernier dans l'adaptation créole de la pièce de Tennessee Williams, Un tap-tap nommé Désir. La communauté noire est là et nous sommes là pour rester et nous allons nous battre, comme le disait MC Hammer. Trop légitime pour quitter. J'ai encore un peu d'espoir. Les choses changeront un jour, mon cher Louis Morissette. Aujourd'hui, vous êtes peut-être richement marié à Véro, mais un jour, je souhaite de tout cœur qu'un autre Louis Morissette mariera non pas une Véro, mais plutôt une négro, pour qu'en fait, les choses changent. Bon, on s'ennuyait pas tant que ça, finalement, de Jean-Étienne. Pardon? Hein? On s'ennuyait pas tant que ça, de Jean-Étienne, finalement. Envoyez-vous les cassettes au CRTC, des choses. Mais celle-là, c'est... enfin, on va les retrouver... on va les retrouver, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Jean-Philippe, toujours ici dans le but de faire tomber des tabous aujourd'hui sur la musulmanie. Je suis avec une jeune femme voilée qui va tenter de nous faire comprendre exactement comment ça fonctionne dans sa secte. Madame Awadam, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tout d'abord, encore une fois, vous avez été au cœur d'une controverse. Il y a Richard Martineau qui a publié sur Internet votre toute nouvelle photo de profil où vous apparaissez dans un party costumé, attention, déguisé en Minnie Mouse. Une photo où on vous voit porter des oreilles de souris par-dessus votre voile. Évidemment, Richard Martineau a écrit « Vous manquiez beaucoup de pudeur », mais je veux dire, il y a tellement raison. Je veux dire, c'est quoi l'idée de se déguiser en souris? Votre rôle, a priori, c'est pas d'être vêtu de façon terne, conservatrice, c'est surtout d'avoir l'air opprimé, ma belle Dalida. Honnêtement, c'est pas un déguisement, mais l'histoire derrière ça, c'est que je me voyais bien que le voile faisait pas consensus, donc je me suis dit « Je vais essayer autre chose ». Je me suis mis des oreilles, mais apparemment, ça fait pas consensus non plus. Vous n'allez pas toujours les porter, vos oreilles? Non, ça ne plaît pas à Richard Martineau, fait que ça dit autre chose. Parlant de Richard Martineau, il a aussi dit que quand il voyait un signe ostentatoire, tout lui porte à croire que cette personne est une grenouille de bénitier, je le cite, qui n'aime pas les homosexuels. Est-ce que vous êtes homophobe, Dalida? Je veux dire, accepteriez-vous d'écouter un disque de René Simard? Il est tellement clairvoyant. Juste, dites-le pas à mes amis, s'il vous plaît. Parfait. Donc, votre ouverture d'esprit, d'après ce que je comprends, est la même que celle des gens normaux. On va faire un petit test. Par exemple, la petite puce qui veut se taper 23 gars pour ses 23 ans. Est-ce que vous trouvez ça cool, vous aussi? Ça fait bien ce qu'elle veut. Bien envoyé. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On va se parler de la commission dans quelques minutes. On fait, nous, notre prière du coucher de soleil et je vous reviens tout de suite, Jean-Philippe. C'est tellement malheureux ce que vous faites dans la vie, Jean-Sébastien. C'est tellement malheureux. C'est affligeant. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur Ici Radio-Canada Première, la seule émission qui ne fera pas de millage sur la tragédie de l'île verte. Ça, c'est vrai. Ah, ça, l'as-tu dit, ça? Ça, c'est vrai. Et qu'on l'a dit. Ça, c'est vrai. Fred, c'est à vous. Ouais, alors vous savez que je me fais constamment arrêter dans la rue par nos auditeurs, qui sont toujours d'ailleurs très, très gentils, des gens éduqués, cultivés, ouverts sur le monde. Qui lisent le des devoir. Gens... Des... Pardon? Qui lisent le devoir. Oui, qui lisent le devoir. Des gens qui me disent la plupart du temps combien ils trippent sur mes chroniques à La soirée est encore jeune. Combien aussi le trip sur les sketchs? D'ailleurs, plusieurs trouvent qu'il n'y a pas assez de parodies de publicité dans l'émission. On me le répète souvent ces derniers temps. Là, je rappelle que je ne fais que transmettre leur dire. Là, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Ah oui, que le numéro d'ouverture est toujours d'une finesse d'écriture. Là, c'est redondant. Là, on me dit tout le temps. Un véritable travail d'orfèvre, un moment d'anthologie qui se renouvelle de semaine en semaine. C'est en gros ce que les gens me disent sur l'émission quand ils me haranguent. Ouais. On me parle peu des autres segments. Quelquefois, c'est vrai. On me dit qu'on aime la chronique d'Olivier. Assez drôlatique, quoi qu'inégal. Encore une fois, c'est ce qu'on me répète. Mais les gens ne s'arrêtent pas là quand ils m'abordent dans toute ma simplicité dans les lieux publics que je fréquente en quête d'un peu d'anonymat et de tranquillité, loin des projecteurs. Beaucoup chez Roger au marché Jean Talon. Là, je suis tranquille là-bas. On me demande toujours de transmettre ce message qui s'adresse à vous, Louis Morissette. Ah, ben oui. Paraîtrait que les gens aimeraient beaucoup, beaucoup, beaucoup que l'équipe d'auteurs de La soirée est encore jeune puisse écrire le prochain bye-bye. Écoutez, je suis un petit peu mal à l'aise. J'ose croire que vous faites un travail formidable à la barre de cette émission. Je ne fais ici que transmettre un message à notre public. Un public de qualité, je le répète. Oh, je... Là, de ce que j'entends depuis le 31 décembre, les gens qui m'abordent ne semblent pas avoir apprécié la dernière mouture du bye-bye. Encore une fois, là, je ne suis que le messager. Je ne relaie que ce que les gens me disent. Mais toujours est-il que ces gens m'ont bien fait comprendre qu'ils trouvaient qu'il y avait peut-être un peu trop d'émissions de TVA. On va parler d'une parodie d'Astérix Obélix. Je ne l'ai pas vu. Bon, un concept qui me semble humblement peut-être un peu éculé. Et là, je dis ça là, surtout pour l'avoir vu dans les capsules de jeudi 16h. Des capsules d'ailleurs qui font espérer que le 5 à 7 du jeudi arrive une heure plus tôt. Au moins, on rirait grâce à l'alcool. Je ne sais pas si les gens ont raison ou non. On le sait, le bye-bye ne fait jamais l'unanimité. De toute façon, sauf en 91, quand il fut présenté en direct et devant le public. Rappelez-vous, c'était l'année de la crise d'Oka et Marina Arcini. Il avait fait une interprétation de la chanson provocante de Marjo. Ah oui, c'est vrai. Ah. Marina Arcini. Jean-Philippe, faites-moi penser un jour de vous faire une chronique sur ma fixation mystique et charnelle que j'entretiens au sujet de Marina Arcini depuis mon adolescence. Bon, je l'avoue, je l'ai pas vu Bye Bye cette année. En fait, j'ai pas regardé de Bye Bye depuis 91, justement. Ce n'est ni par mépris, ni par condescendance de celui qui se dit « Je ferais tellement mieux ». Vous savez, étant moi-même producteur d'excellents contenus humoristiques intelligents, comme Louis Morissette, j'en écoute pas pour me détendre le soir. C'est un peu comme un employé chez Dunkin' Donuts. Le soir, en rentrant chez lui, il ne mange pas de beignes pour dessert. C'est d'ailleurs pour les mêmes raisons que je ne regardais pas CA non plus, parce que j'ai fait tellement l'amour dans ma vie de tous les jours que j'en regarde pas d'autres le faire le soir dans une émission de sexe pour me détendre. C'est pourquoi d'ailleurs je suis un fan assidu de l'Auberge du Chien Noir. Il n'y a ni sexe ni humour, ce qui me permet de m'endormir rapidement. Alors, c'est ce que j'avais comme message à vous transmettre, Louis Morissette. Je les connais bien, nos fans, et dans le fond, je sais que c'est le cœur sur la main qu'ils aimeraient nous voir écrire et faire le bye-bye. À votre place, c'est pour vous permettre de vous consacrer plus efficacement à vos autres projets, les détestables, les gars des vues. On connaît la chanson, c'était non, la toune. C'est pas ma toune. Votre tournée intergalactique avec votre sidekick Véro, vos publicités de Boston Pizza. Nos auditeurs ont le cœur sur la main et vous adorent, dans le fond. C'est pour cela qu'ils aimeraient qu'on prenne le relais, ne serait-ce que pour un an, hein, pour qu'on puisse dire bye-bye, nous aussi. Pensez-y, vous savez où nous rejoindre et malheureusement, on ne bouge pas d'ici. Mais... et je... Mais non, mais go! Go! Non. Ben oui, oui! Il faut comprendre, c'est quand tu dis l'équipe d'auteurs, il parle de lui. Avec Jean-Sébastien, j'ai une magnifique équipe de gestion de crise aussi. Il vous sera sûrement très utile. Moi, j'ai peur que si c'est Jean-Sébastien et Fred qui mène ça, il va avoir un bye-bye de 8 minutes. Et un grand monologue de Louis-José Audafin. Il est-tu drôle? Regarde. Ah, c'est-tu fait? Hey, merci, Fred. Merci. Okay. Hey, on va les retrouver. Jean-Sébastien Girard, qui, je me souviens, est toujours là. Jean-Sébastien? Oui, absolument, toujours avec mon invité, Mme Awada. Il y a évidemment cette commission parlementaire où on entend beaucoup de beaux témoignages depuis plusieurs jours, oui. Parmi lesquels on a entendu une ancienne religieuse qui dit que quand elle va dans un magasin et qu'elle voit une caissière voilée, elle change de caisse. Tout à fait normal, évidemment, on ferait pareil. Mais en revanche, je suis quand même un peu mal à l'aise. Dans la mesure où je pense que la libération de la femme passe aussi par l'accès au marché du travail, je veux dire, jamais je croirais qu'il n'y a pas des jobs pour vous dans le backstore. Sacré! Non, on pourrait tous mettre des burkas, comme ça on serait cachés. Ouais. Le backstore ou les burkas. Il y a une différence entre la burqa et le backstore? Oui. Mais évidemment, il y a plusieurs citoyens inquiets. Je pense par exemple à Mme Lise Payette qui a affirmé dans une entrevue au Franc-Tireur « À l'hôpital, une employée a refusé de me laver les organes génitaux parce que c'est contre sa religion. » Moi, si bon, c'était mon métier à moi, j'aurais lavé les organes génitaux avec grand plaisir. Bon. Et il y a Yves Michaud, évidemment, qui a proposé une piste de solution intéressante. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez toujours quitter. Alors, si jamais la charte passe, est-ce que vous allez retourner en bateau dans votre beau pays? Oui. En fait, je vais revenir d'où que je viens, sans qu'ils me payent mon ticket de métro. Je vous remercie beaucoup. On vous revient dans quelques instants, cette fois-ci, avec les courriels d'auditeurs. Alors, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions à lasoirée@radio-canada.ca. On vous revient tout de suite après la prière du soir, Jean-Philippe. Oui, c'est beau, Jean-Sébastien. Au revoir. Hein. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, Fred. Cette ex-femme d'affaires éditrice est maintenant députée d'Anjou. Accueillons une ancienne ministre libérale et maintenant critique en matière d'éthique, Mme Lise Thériault. Madame Thériault, connaissez-vous Morissette toujours? Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Je vous ai pas offert de bière, ni à Louis tantôt. Vous une bière, Louis? Il est trop tard. J'aurais vraiment apprécié tantôt. Je pense que j'aurais eu le meilleur moment, mais c'est correct. Merci, Mme Thériault, de venir nous voir. Surtout que vous deviez venir nous voir à l'automne. Mm-hmm. Puis il y a un maudit vote à l'Assemblée nationale qui vous a retenu. Ça arrive des ben, fois, oui. Je le sais. Mme Thériault, merci beaucoup de venir nous voir. Surtout, vous avez eu une tabarouette de semaine. Une grosse semaine. Ben oui. Elle n'est pas finie, je m'en vais dans le tournoi Pee-Wee après. Enfin, on a entendu parler du PQ à la commission. C'était le fun, hein? Pour le Parti libéral, là, vous avez dû ouvrir les TVRDI, quand même. J'avoue que je pense que j'ai enregistré la semaine pour pouvoir la revoir au ralenti en fin de semaine. Ben, vous la repasserez quand les huis clos vont sortir, parce que j'ai l'impression que ça va jaser du PLQ en masse. On n'est certainement pas à l'abri, mais qu'est-ce que vous voulez? On va faire avec, mais en attendant, je me délecte de la semaine que nous avons eue, j'en profite. On traversera la rivière quand on sera rendu là. C'est ça. Vous en attendant, je vais prendre une petite gorgée de bière. Parfait. Toujours est-il que, bon, on a parlé d'un deal avec Blanchet. On a entendu parler la ministre de Caïb qui, maintenant... vous avez demandé à la ministre de démissionner. Oui, j'ai demandé à la ministre de démissionner ou à la première ministre de la relever de ses fonctions. En tout cas, un des deux. Un des deux. Moi, je constate qu'elle a manqué de jugement. Quand tu veux pas savoir, là, moins t'en sais, mieux que t'es, là. Le PQ a répondu, le gouvernement, en fait, a répondu de façon peut-être assez juste, hein, que le PLQ avait pas de leçon d'éthique à donner. Ben, moi, je vais vous répondre à ça, que j'ai été élue dans l'opposition pour la cinquième fois dans mon comté. Cinq fois, quand même. Ma job, c'est de poser des questions, puis je vais continuer d'en poser. Elle va aller déjà en vacances avec Tony? Non. OK. Non. Mais non, il ne jamais cramer le dos. Il ne jamais cramer le dos. C'est qui a l'air, pareil? Non, c'est pas lui qui a fait ça. Il crame bien rien que ceux qui veulent. Hein? Ben, il faut croire que oui, mais je suis contente qu'il ne fasse pas partie de mes amis. Non. D'ailleurs, il n'y a aucun de la gang là, que vous connaissez personnellement ou. Qui ont passé à la commission cette semaine? Non, pas du tout. Non. Ben, non, je ne connais pas M. Lavallée. Je n'ai pas eu à le côtoyer. Michel Arsenault, je l'ai côtoyé dans mes fonctions, mais je pense que tout le monde a bien vu qu'on ne s'entendait pas beaucoup, lui puis moi. Non, même M. Morissette a écrit un sketch en 2011 dans le Bye Bye. Quand j'ai aboli le placement syndical, puis je m'étais chicanée avec M. Arsenault sur la place publique. Je l'ai félicité d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Oui, j'ai trouvé que c'était le meilleur sketch à vie qu'il a écrit. Ça fait longtemps. Deux ans. J'ai topé en 2011. C'est un le fameux sketch de Michel Arsenault. Le fameux sketch de les stéréos que tout le monde se souvient. On y va. J'avais les répliques, tout le monde? Je l'ai en fond d'écran de mon iPad. On va saillir encore. Voilà. Bon. Oui, c'est vrai. Toujours est-il qu'il y a des sondages qui sont sortis cette semaine qui n'étaient pas nécessairement bons pour le Parti libéral du Québec. Est-ce que vous voulez la cassette ou la vraie réponse? Ben, vous tapez voir. La vraie réponse. On commande jamais les sondages. Ah. Non. OK, ben elle va prendre la cassette d'abord. On commence avec un sondage. Okay. Non. Mais moi, là, si j'avais été à la place de Mme Marois, avec les deux sondages, j'aurais pensé à peut-être déclencher des élections rapidement. Puis après les trois jours qu'elle a passé avec les déclarations de la commission Charbonneau, le deal à M. Blanchette, puis les déclarations de Mme Zakaïb, je suis pas sûre que c'est le bon moment d'en déclencher. Mais vous savez qui? Charbonneau, elle l'a pas fait. Peut-être casser ce qui s'en... Qu'est-ce qui s'en vient quand Charbonneau? Vous devez savoir. Je sais pas. Aucune idée. Vous savez, c'est qui les gros poissons qui s'en viennent? C'est la semaine prochaine. Michel Arsenault, la semaine prochaine. Mais est-ce qu'il y a des politiciens qui vont y aller? Aucune idée. L'agenda de la commission Charbonneau appartient aux commissaires. Nous, on ne le sait pas. On est comme vous. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret des yeux. Il y a des compagnies de béton là, qui se font vérifier. Puis là-dedans, il y a des grands amis de... Ben, c'est correct. De Jean Charest. Ben, j'ai pas de pitié. Moi, ils peuvent tous se faire vérifier. Même le fonds de capital BLF. Là, Jean Charest, il est politicien. Vous allez vous retrouver 3 ou 4 à l'Assemblée nationale. Il va en rester plus que ça. Non, il va en rester plus que ça. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va Québec solidaire. Ben oui. C'est un gouvernement de 3 personnes. Mais. Non, mais c'est en blague, supposons, là. Je veux dire que Jean Charest, il décide de prendre des vacances comme en mars, tu sais, 2 semaines. Y a-tu des chances que la commissaire l'appelle comme. Hey, juste comme. Va pas trop loin. Ben, moi, je pense qu'à partir du moment où la commissaire envoie des supplénaux aux gens pour leur dire « tu passes devant la commission, tu as intérêt à ne pas partir en vacances ». Toujours est-il que la dernière question que j'aurais envie de vous poser, on se rappelait cette semaine la visite de votre collègue Sklavounos, Jerry, qui était venu nous voir. Il nous parlait à l'époque, il y a peut-être comme 5-6 mois, de Fatima Houda Pépin, en des termes, je dirais... peu élogieux. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Vous avez parlé de Fatima, puis il a dit c'est parce que vous la connaissez pas. N'importe qui connaît Fatima. Ah, boy, elle a écouté l'émission. Mon Dieu. Tu pensais que personne n'écoutait dans l'émission? À cette heure, on est deux. OK. Mais là, elle est plus dans votre équipe, Fatima. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Fatima? Je vais vous comparer ça au sketch que M. Morissette a écrit sur moi. Encore, Lisa? Oui, oui, oui, non, mais... Je sais pas, mais fais d'autres choses. Non, c'est important de faire de la promo. Vendredi 20h, il y a son nouvelle émission de chansons. Non, non, non, non, ils vendent les vieilles cassettes, là, puis le 2011, il est dedans. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'acheter, vous allez comprendre. Je lui ai demandé si c'était juste lui. Vous allez peut-être en vendre pas mal. Je lui ai demandé si c'était lui qui avait écrit le sketch. Et il m'a dit oui, mais après ça, tout le monde a mis son petit grain de sel dedans, puis on l'a fait ensemble. C'est parce qu'une position, quand tu fais de la politique, c'est la même maudite affaire. Tu as le droit d'avoir une position, puis après ça, tu as un autre député qui va dire, ben moi, il y a telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, puis là, tu dégages un consensus. Pour que l'opinion soit partagée par les 50 députés de notre caucus, là, il faut qu'on se trouve tout un petit morceau dedans, puis dire, OK, je suis à l'aise avec ça. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Il est-tu drôle puis cultivé, lui? J'ai une petite poussière dans l'œil, vous me permettrez de pas répondre. C'est goûteux, lui. Hein? C'est pas vulgaire. C'est ça, je trouve ça le fun. Non, mais j'ai déjà trouvé pire que ça, moi. Ah oui? Ben oui, tout le monde en parle, le fou du roi. Ah, oui. Oh, quand même. C'est quoi? Ah oui, vous êtes... Non, mais c'est un beau con. C'est ça. OK, bon, mon Dieu. C'est un beau compliment. Je fais que mon travail. Vous l'écoutez plus que moi. Hey, mais je passerai encore plein de temps, parce que, écoutez, je me rappelle d'une déclaration de Gilbert Lavoie qui avait dit, vous, que vous parliez comme les gens de la rue. Oui, ça m'arrive. Quel bourgeois de Québec, hein? Bon, ça me fait rire. Ben, c'est parce que je trouve ça drôle, parce que je suis née à Toronto. Ben oui, hein, vous avez un bon français de Toronto. Ben, non, ben c'est parce que j'ai grandi au Québec. Au Québec. J'étais arrivée ici, j'avais quelques mois. Mais d'une mère québécoise et d'un père qui vient du Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça marque être née à Toronto? Tout le monde ne comprenne pas comment ça se fait. Je peux être députée au Québec puis être née à Toronto. Vous trouvez que Philippe Couillard fait un bon boulot? Oui. OK, good. Oui. Moi, j'ai fait la présidente de campagne. Il est trop présent. Ça m'énerve. C'est trop ce qu'il parle. Il faut juste parler. Tout le temps sur son perron à Saint-Félicien. Hein? Allô, l'abus de charisme. Non, mais c'est parce qu'il va l'être en début de semaine. On a un caucus à Saint-Félicien. Vous allez pouvoir avoir des images, là, en plus. Mon Dieu, il va être au caucus. Il va probablement être à Montréal. Il va être au caucus. La semaine passée, il y avait un caucus à Montréal. Il était à Saint-Félicien. Il va sûrement s'en aller. Non, mais vous direz bonjour. On l'aime beaucoup. OK. Je pense que je vais demander qu'il vienne voir votre émission. Mais il est déjà venu, hein? Il est venu, non, mais là, il faut vous le retourner. Avant qu'il soit chef. Ben c'est ça, il faut vous le retourner maintenant qu'il est chef. Hey, quand il était venu, là, un fou d'une poche. Ah oui. Écoute, rire comme ça. Mais... Non, il est un petit peu plate, par exemple. C'est parce que vous n'avez pas trouvé bonne joke. Ouais. Il est funny, Philippe Couillard, funny? Oui, il est drôle. Ouais. Oui, il est drôle. Autant que Raymond Bachand est drôle. Mais ça, c'est vrai! Oui. Ça, c'est vrai! Ça fait trois fois qu'on le reçoit. On a du fun avec Raymond. Moi, j'appelle Ray. Mais t'es ironique, là. Non, c'est vrai, je te jure. D'ailleurs, ça m'a déçu que tu l'as pas parodié dans le Bye Bye. Bon, il était pas là cette année, mais regarde. Par respect pour Raymond. Merci, il faut absolument qu'on passe à d'autres choses parce que vraiment, j'exagère, je vais piler sur la bibliothèque de René, puis personne veut ça. Okay. C'est une blague. C'est encore drôle. Hey, Fred, présentez notre prochain chroniqueur. C'est les extraits radiophoniques pour les délices des gourmets qui considèrent le jambon comme le caviar des oreilles. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ben, permettez-moi de commencer par régler quelques détails administratifs en vous faisant écouter cet extrait tiré d'une ligne ouverte dans l'émission de Simon Durivage à RDI. J'envoie, moi, avenue Tupac. Moi, je reste à Montréal, avenue Tupac. Hey, des bonhommes pris avec des robes. Voyons donc, là, ça a-tu de l'allure? Ben, monsieur, c'est que chacun amène ici. C'est évident que si vous émigriez, vous, vers un autre pays... Non, parle pas à travers ton chapeau, toi, là. Des fois, c'est mieux de raccrocher, Simon. Pourquoi on écoute ça alors qu'habituellement, je ne m'attarde pas aux simples citoyens? Ben, c'est juste parce que je suis très orgueilleux et Dominique Moret a dit que je ne serais pas game de le faire. Les juges bien-pensants de la bonne radio, la police de la radio, avec certaines émissions de radio du vendredi. Oh, un tel a dit ça. On s'en va écouter maintenant un extrait à Radio X, Montréal. Un extrait, ouais. Dominique Moret a dit telle affaire. Puis un tel, ah oui, puis bon. Ça, on aime bien se rire de nous autres. Ça, vous n'entendrez pas ça nulle part, là. parce que c'était sur leur antenne à eux. Là. Ben, désolé, Dominique, un peu comme la NSA, la police de la radio n'en manque jamais une. En revanche, Radio X ne s'est pas fait prier à quatre pattes sur un tapis pour donner la parole à M. Pinault du fameux couple Pinault-Caron entendu en commission parlementaire. On écoute. Vous êtes bien chez François Pinault, mais il n'est pas là pour l'instant. Laissez un message après le bipi, vous rappellera nom d'une pipe. Non, non. Pas Pignon du dîner de con, Pinault de l'entrevue de con. Et justement, pendant que moi, les femmes voilées là-bas, même s'il y en avait, là, j'ai pas été vraiment attiré pour commencer. Je suis plus attiré quand la femme est bien faite et déshabillée. Mais en même temps... Je suis d'accord avec vous. Ouais, ça, là-dessus, on s'entend. Ouais. Bon, c'est un peu ça, la différence entre RDI et Radio X. Il y en a un où les gens un peu colons appellent, puis l'autre qui appelle les gens parce qu'ils sont un peu colons. Mais quand même, mais c'est quand même important d'entendre le vrai monde comme les Pinault-Caron, car comme l'explique Richard Descaries, ancien conseiller de Stephen Harper, il représente la majorité. Quand on parle de la majorité silencieuse, c'est eux autres, hein? Ils représentent bien. Hey boy, la majorité silencieuse a dû avoir envie de crier en apprenant qu'elle était représentée par M. Pinault. En tout cas, une autre qui a une très haute opinion du vrai monde, c'est Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec qui dénonçait cette semaine le mauvais traitement que certains chroniqueurs ont envers le peuple. Mettons un Joseph Facal là, ou un Bock-Côté, par exemple. Là. Ces gens-là méprisent le peuple, souvent. Et c'est parce que Joseph Facal et Mathieu Bock-Côté, ce sont des chroniqueurs... Des chroniqueurs qui chient de la merde, des images, de la sensation, puis qui refusent d'éduquer proprement le peuple et d'en appeler à la raison. C'est dégueulasse. Voyons donc, Bock-Côté qui chie de la merde, ça se peut pas. Peut-être qu'il va au cabinet d'aisance déféquer à l'occasion, mais chier de la merde, non, non, non. D'ailleurs, là, il faut pas confondre les chroniqueurs qui méprisent le peuple et les chroniqueurs qui trouvent que le peuple est un peu niaiseux, comme Joanne Marcotte dans la même chronique. Ce monde-là, là, ils versent pas dans l'abstrait. Ils ont besoin de concret. Ils fait pas dans la nuance. Et ce Québécois-là, le Québec émo que j'appelle, là, il se fait dire qu'il se fait imposer une charte canadienne des droits et libertés. Il se fait dire qu'on est victime du multiculturalisme canadien, puis il y croit. Oui, le Québec emo. J'ai comme une image de M. Pinault avec du mascara puis un toupet. Je suis pas sûr que j'aime ça. Et d'ailleurs, le Québec a été pas mal emo cette semaine avec les événements de l'Île verte, même si, comme l'explique Martin Paquet de Radio X Montréal, les circonstances sont différentes de Lac Mégantic. C'est sûr que les circonstances sont différentes, là. On n'aura pas de granola qui vont venir nous dire que ben, c'est à cause du pétrole. Non, faut toujours voir le bon côté des choses. Pas de granola. D'autre part, l'enquête se poursuit suite aux révélations que nous avons faites ici même à cette émission sur les propos pénétrants de Jean Tremblay que vous avez peut-être essayé, tout comme moi, d'oublier. Mais chez Denis Lévesque, le maire de Saguenay a persisté et signé. Le Christ qui pénètre en nous. C'est beau, ça. C'est on s'arrête pas assez à y penser. C'est vrai, ça. Prenons donc une seconde pour y penser, voir. OK, c'est assez, là. D'ailleurs, selon Jean Tremblay, c'est Dieu qui a inventé le sexe, puis le petit Jésus, ben, il est pas cave, hein, il a voulu en profiter. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc, mange ma chair, vous pensiez qu'il parlait de quoi, manger quoi, là, lui-là? Ben, c'est ça, c'est vraiment sa chair. Et visiblement, le Christ n'a pas eu beaucoup de bon sexe, parce qu'à part Jeannine Souto, ils sont très rares les gens qui ont la vie éternelle. Reste que, comme plusieurs curés risquent de prendre les propos de Jean Tremblay au pied de la lettre, je suis pas certain qu'on devrait continuer d'en parler, alors je vous dis 10-4. Merci, Olivier! Hey, vous savez que l'actualité internationale est toujours en proie à des bouillonnements incessants et qui de mieux que notre ami Mahmoud Ashrafi pour nous la décortiquer? Voici donc notre reporter sans visière. On écoute. Marrakech, 6h30 du matin. Le petit Abdelbaki, 8 ans, est déjà à pied levé pour préparer son petit stand d'orange qu'il vend aux touristes pour aider sa mère, Nadira, à allaiter ses 4 poupons nés de 5 pères inconnus. Mais pour Abdelbaki, cette journée sera longue puisqu'on attend déjà dans les prochaines secondes 6 autocars de touristes à la mosquée Koutoubia où il travaille au lieu de fréquenter l'école du quartier. Toute la journée, Abdelbaki tentera d'oublier sa pauvreté en accueillant les touristes occidentaux qui viennent visiter son pays, la Musulmanie. Malheureusement, il n'y a pas que des Américains, des Allemands et des Britanniques qui viendront à la mosquée. Il y a aussi des Québécois de Charlevoix. Et malgré son extrême pauvreté, Abdelbaki a vu les images de ce couple, les Pinault-Caron, qui racontaient leur visite dans son pays en étobus. Quand il les a entendus décrire comment ils ont dû enlever leurs chaussures avant d'entrer dans la mosquée pour voir ses compatriotes prier sur leur sajada, il a pensé à sa cousine, Ashuma, qui est nurse à Outremont. Il s'est rappelé comment elle racontait sa visite dans une église chrétienne, accompagnée de ses patrons, comment elle avait dû enlever son chapeau, même s'il faisait moins 40 dehors, se mettre à genoux plusieurs fois pour prier un fantôme qu'ils appelaient Esprit Saint. Comment elle a dû se mettre un morceau de pain sec dans le palais appelé hostie, un hostie toujours collé depuis. Non, la seule chose qu'Abdelbaki aimerait, c'est de contempler au moins une fois dans sa vie un étobus pour voir s'ils sont si différents des autocars de touristes qui viennent à peine d'arriver sous le ciel brûlant de Marrakech. C'était Mahmoud Ashrafi pour Reporter sans visière en musulmanie. Ah. Eh bien, c'est avec un grand désespoir qu'on va rejoindre pour une dernière fois Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, beaucoup de courriels pour... J'imagine. Pour des... Oui, alors tout à fait. Alors, pas un premier courriel qui nous vient d'un Bédrinville de Montréal, oui. Et qui va comme suit. « Sais-tu vrai que sous votre voile, vous cachez l'agenda islamique d'Amir Kadir? » Honnêtement, en ce moment, j'ai plus l'impression que mon voile sert à Pauline Marois qu'à Amir Kadir. Et un deuxième courriel qui vient de G. Pino Caron et qui dit « J'ai dit à mon mari Minnie Mouse, ben voyons donc, ça a-tu du bon sens, Minnie Mouse? J'ai été bien marqué par ça. » Tu sais, cette famille-là, moi, j'ai vraiment rien contre. Je les trouve bien sympathiques. À la limite, je pourrais les inviter à souper chez nous du moment qu'ils enlèvent leurs souliers avant d'entrer. Et un dernier courriel un peu violent qui dit « Monsieur Girard, jamais entendu un moment de radio aussi débile. Vous et votre invité, vous êtes deux tabarnaques. Et c'est signé Défiliatro. » Je commence à être vraiment habitué à ce genre de commentaires. Comme on disait au primaire, celui qui dit, celui qui l'est. C'est bon. Dalida, merci infiniment d'avoir été avec nous. Vous faites tomber tous les préjugés. Grâce à vous, on a appris aujourd'hui que les races peuvent avoir beaucoup d'humour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission parce que c'est déjà terminé. Hey, oui. Hey, restez à l'écoute dans quelques minutes. Je vous le disais tantôt, c'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, mais surtout Jean-Sébastien Girard pour ces magnifiques reportages. Un gros merci à nos invités ce soir. Louis Morissette, on commence quand à aller voir les rodages de... On vient pour... La première est le 27 novembre à la Place des Arts. Non, mais le rodage, on va aller au rodage avant. Rodage l'été prochain, à Sainte-Thérèse. OK, d'accord, on va aller à Sainte-Thérèse. Moi, j'ai une question pour vous. Ah oui? Si jamais je veux une paire de billets, il faut que je les paye, sinon c'est de la collusion. Oui, oui, hein? Morissette.com. OK, parfait, pas de problème. Voilà. Et mais je peux faire un deal avec le DVD du Bye Bye 2011. Ah, pas besoin des autres années, juste besoin de... 2011. Listerio, merci beaucoup d'être venu nous voir. On se revoit en élection bientôt, j'imagine. Bah, c'est Mme Marois qui contrôle. Ah, ben j'imagine en avril, on se voit encore avec Clément Bachon. Ça va me faire plaisir de venir. On a un deal. Ah ouais? Oui, on a un deal. Je vous aime déjà. Hey, si vous tripez sur l'émission, vous nous réécoutez en balado et vous vous rendez sur notre site web ou sur iTunes et venez assister à l'enregistrement de l'émission qui se fait les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel, on vous réserve une place. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune! Yeah!